ça c'est bon but. Autour du feu, présenté par Plantcaster et Damien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 3 d'Autour du feu, podcast hebdomadaire résumant chaque épisode de la saison 20 de Koh-Lanta, la guerre des chefs. Je suis Plantcaster et je suis évidemment ravi de vous retrouver pour ce podcast. Sans plus attendre, passons à la présentation de nos invités. Tout d'abord, mon acolyte, mon associé, c'est un petit peu mon Laurent Baffy, je suis son Thierry Ardisson, Damien. Je suis passé sniper pour ça, mais salut Plantcaster, salut les gars. Damien, qui je le rappelle, est donc administrateur de Sgorg, qui actuellement on est à sa 7e saison, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Avec nous, alors on va présenter les anciens chroniqueurs qui sont de retour. Ils étaient là au premier épisode, ils reviennent pour le troisième épisode. On va commencer par Clément. Salut Clément. Salut, ça va? Avec nous également, il était là lors de l'épisode 1, il revient tel le phénix dans l'épisode 3, Cruyffismo. Salut, donc très content d'être de retour, en espérant que le podcast soit aussi génial que la première fois. En tout cas, on te le souhaitait. Avec nous également un nouveau, c'est son premier passage, je demande de l'applaudir très très fort, c'est Scam999 alias Lucas. Salut Lucas. Salut. On va expliquer un petit peu donc, ce dont on va parler durant ce podcast. Comme vous le savez, l'épisode 3 a été riche. Très, très, très intense, a été d'une folie incroyable. On n'a jamais ennuyé devant. Faut arrêter la flagornerie 2 minutes. Il était un peu plus chiant que les deux premiers, il faut le dire. Et du coup, nous allons donc commencer par ce qu'on fait d'habitude, les analyses équipe après équipe. On va commencer avec l'équipe ayant eu le moins d'intérêt, avec l'équipe ayant eu le plus d'intérêt. Et évidemment, l'équipe ayant eu le moins d'intérêt, c'est l'équipe jaune, équipe jaune, qui a pour chef Béatrice. Équipe jaune qui a quand même connu quelques petits retournements de situation dont on parlera tout à l'heure. Qui veut commencer à parler? Je pense qu'on peut déjà passer à l'équipe rouge. Merci. Alors, non, on va quand même se forcer à faire une petite analyse. Alors, l'équipe jaune, avec Béatrice comme chef. Alors, est-ce qu'il y a des candidats quand même qui vous ont fait plaisir durant cet épisode, qui vous ont marqué? Denis Brognard. Vous dites que Denis est un candidat? Disons que des fois, il peut influer très facilement un vote. Il est apparu sur le camp, plus que certains. C'est que c'était dans l'équipe jaune, puis il y a beaucoup de personnes qui sont un peu éloignées du montage. Je pense à Steve, notamment. Steve, on l'a vu dans cet épisode, je crois. Ouais, mais 2 minutes, tu vois. Ouais, mais plus que les autres fois. Ouais. Et puis il a une place un petit peu intéressante, Steve, parce qu'on a l'impression qu'il c'est un peu le lien social de l'équipe jaune, quoi. Il a l'air d'être un peu rassembleur, il a l'air d'être quelqu'un sur qui on peut se reposer par rapport à Nicolas. Moi, je voyais Nicolas Medevac au début, enfin évacué, parce qu'il a l'impression qu'il lâche un petit peu mentalement, qu'il lâche au niveau de la nourriture et tout, parce qu'on le montage le fait bien passer pour quelqu'un qui est grave en manque de nourriture. Et en fait, il s'avère que c'est Karine qu'on n'a quasiment pas vue, en fait. Et ça qui est dommage aussi, c'est que les gens qui sont évacués, là, ça fait quand même la deuxième, et ils ont un montage sur lequel on les voit pas beaucoup. Et c'est dommage parce qu'on a l'impression qu'ils ont fait un peu tapisserie, quoi. Ouais. Alors, après, c'est dommage parce que Karine, c'est la première qui est arrivée sur la plage, quoi. Donc, c'est triste pour elle, quoi. On va prendre quelques réactions. Alors oui, j'ai oublié de les saluer. Quelques réactions des spectateurs du chat. Alors, notamment avec JujuRMCF qui nous dit que Béatrice est une chef casse-couille mais efficace, que Tortue, donc Nicolas, est fragile, que Aurélien, Karine et Sophie sont inutiles, et que les autres, il s'en souvient même plus, à part Angélique, mais qu'il estimait useless. Oui, c'est vraiment... Après, ce qui est dommage du côté jaune, c'est qu'on a la même intrigue un peu durant les deux épisodes, c'est-à-dire Béatrice qui se fait critiquer en tant que chef, et Nicolas qui souffre à cause de la nourriture. Ouais. Ça fait exactement 2 épisodes qu'on a exactement les mêmes scènes dans le camp, du coup... c'est plutôt chiant. Après, c'est compliqué parce qu'ils perdent toujours les confrères et gagnent toujours les immunités. C'est pour ça qu'on n'a pas la même intensité qu'on a en regardant les autres camps. Mais ils ne sont pas encore allés au conseil, donc on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire. Bon, ils vont tester. Mais, je pense Victor ou Béatrice. Ouais, c'est un des deux qui va jouer entre les deux. Oui, donc rappelons quand même, alors on avait déjà été spoilé, mais le retour de Victor, officiellement dans l'équipe jaune à la place de Karine. Bon, Victor, on ne lui donne pas forcément cher de sa peau. Hein, ça va être très compliqué pour lui. Il va tellement se faire Il arrive, il se fait agresser. Bah, en même temps, il avait un peu cherché. C'est-à-dire, au début, dire à Béatrice, parce qu'on avait Ouais. dit à l'épisode 1, c'est de lui dire en gros, écoute, moi, j'ai aucune envie d'être avec toi. Il doit se retrouver un petit peu avec eux. Donc, c'est pour ça que c'était marrant de voir Franck qui lui disait, on est un groupe soudé. Donc, c'est en gros, c'est où tu Il n'y a t'intègres. pas de Franck. Ah, pas de Franck, Steve. pardon, de Steve. Steve. Je sais pas pourquoi j'ai envie de l'appeler Franck. Alors, je vais prendre quelques. Donc là, il y a Valentin qui nous dit qu'il pense que les jaunes ont trop faim pour être divertissants. Yannick qui nous dit Au qu'Angélique a contraire. l'air cool, mais qu'elle a l'air assez froide et calculatrice, et qu'il a aimé les conseils les confesses de Steve sur Tortue, donc Nicolas, mais il est surnommé Tortue Non, parce qu'on a repris il a ça. aimé les confesses d'Angélique, ouais. C'était pour revenir à ce qu'on disait sur Victor et Béatrice, c'était Felouz qui disait que s'ils nous ont montré la réflexion de Victor à Béatrice au moment de la confection des équipes, c'est qu'il allait forcément aller se passer quelque chose entre les deux. C'est peut-être en train de se mettre en place maintenant, avec une finalité qui va avoir lieu peut-être plus tôt que prévu, quoi. Victor n'était pas Victor. On se dirait, par contre, il pourrait faire profil bas dans son équipe, essayer de s'intégrer et être en gros un candidat qui part un petit peu du bottom, donc du bas de l'alliance, et qui arrive petit à petit à faire sa place. Sauf que Victor, il n'a pas l'intention de changer de façon de faire. C'est quelqu'un qui a une ligne et qui n'en dévie pas, et je pense qu'il risque d'en agacer plus d'un chez les jaunes s'il continue. Donc, en toute logique, s'il y a conseil jaune, c'est le premier à partir. Je le vois pas changer de personnalité. Après, chez les jeunes, il y a peut-être Aurélien qui peut aller loin. Je pense qu'il a l'air assez sympa avec tous les jeunes. Moi, je pense qu'il va aller loin. Avec Angélique, je pense que c'est les deux qui iront le plus loin. Ah, là-bas, j'aurais dit Nicolas, mais je pense qu'il se fera virer rapidement après la réunification. Ouais. Ça va Ah être non, une c'est sorte de. un peu un montage, tu sais, de l'aventurier un peu bête. Tu sais, le coup, déjà, il a vu noyer le crabe. Le coup, où on le voit un peu paumé aussi sur l'île. Ça peut jouer en sa défaveur. Je pense que la production veut nous montrer en tant que candidat sympatoche, mais qui va se faire virer sans avoir compris pourquoi, sans avoir essayé de Bah lutter, ouais, quoi. ça va être un Christophe, un Sébastien Jehor, quoi, je pense. Ouais. Alors, une petite chose aussi que je voulais dire, c'est que ça fait plusieurs épisodes qu'on nous dit plus ou moins que Béatrice va se faire renverser par son équipe. On attend toujours. Après, moi, ça me dérangerait que Béatrice soit virée, quoi, parce que c'est quand même une candidate plus intéressante que les autres, quoi. Non, c'est sûr. Alors que Béatrice, c'est un gros personnage qu'on a montré un petit peu. C'est le problème aussi du montage tel qu'elle le fait, c'est qu'ils vont se baser sur 3-4 personnes. Et si jamais une de ces personnes-là part très tôt, leur saison est foutue. C'est aussi pour ça qu'on a de plus en plus de suspicions, un peu d'injustice ou de récompenses données à des personnes en particulier. On reparle de l'abandon de Karine pour le retour de Victor. Peut-être sont-ils précipités pour le faire. Vous voyez, il y a toujours ces éléments-là qui rentre en compte, et peut-être que Béatrice va aussi bénéficier de ça. Après, on peut dire ça pour n'importe quel candidat. Au bout d'un moment, ça, si jamais il doit partir, il partira. Et Oui, mais après, je pense que genre quand j'ai vu les images de Karine, je pense qu'elle était vraiment pas bien, quoi, par contre. Elle alors, avait des selon problèmes. ses dires, elle souffrait d'hydratation, d'un manque d'hydratation, pardon. Bon, Ben, un nous peu allons plus, passer tout de ouais. suite à l'équipe bleue qui veut parler. Dans l'équipe bleue, on a donc clairement un peu deux clans. On a les outsiders avec Cindy et Fred contre un peu le groupe majoritaire avec Chlo, Mohamed et Brice. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cet épisode, on n'a pas vraiment la position de Maxime qui est définie parce qu'on le voit faire le radeau avec Fred. Donc, concernant l'équipe bleue, personnellement, je suis totalement pour les outsiders, pour Fred et Cindy. Je trouve Chlo vraiment pas intéressant du tout. Après, elle a énormément de confesses, mais ils sont tous fades, j'ai l'impression. Ouais, c'est Klaus ce qui m'énerve dans son personnage, c'est trop genre bonhomme, ouais, sport, sport, sport. Elle me saoule. Genre, il n'y a rien d'autre. Chloé, fan. Moi perso, c'est le personnage bleu que j'aime le moins parce que c'est plutôt fan, c'est confesse. Il y a un spectateur qui va dans votre sens, c'est KL93, qui nous dit que la majorité des candidats qui sont fans de sport, donc sont fades. Pas forcément. Yanni pense que Chloé va la jouer comme Claire, donc Claire de Fidji, il me semble. C'est Fidji, c'était pas clair. Je La saison trouve avec la comparaison Claire-Chloé assez intéressante, par contre. Ouais. Oui, la comparaison est très bonne. Mais je pense que Claire, je préférais quand même Claire à Chlo, moi, personnellement. Ouais, Genre. pareil. Après, on verra, peut-être que Chlo, elle va évoluer, hein, mais Claire, au début, elle était quand même. Elle essayait d'unifier l'équipe bleue, d'apporter quelque chose, alors que Chlo, c'est une suiveuse. Alors, il y a un autre personnage également qui a eu un peu de temps d'antenne chez les Bleus, qui a obtenu un objet de pouvoir avec le collier d'immunité, c'est Cindy. Le collier, elle l'a trouvé naturellement ou elle s'est fait aider pour l'avoir? Bah, Pour moi, le fait que ça soit pas juste avoir un conseil comme Mathilde ou comme Tiffany, Elle n'était pas forcément extrêmement en danger, Cindy, donc je pense qu'elle l'a trouvé légalement. Ouais, pareil, c'est que on c'est vrai qu'on a toujours un petit peu cette parano de dire c'est la prod qui l'a aidé et tout. Là, très honnêtement, je pense pas quand même. Je pense qu'il faut pas non plus en faire trop dans la paranoïa. Elle l'a trouvé parce que on la voyait souvent au montage chercher un peu partout. Bah ouais, c'est normal. C'est les costumes qu'elle trouvait. Voilà, donc bah bravo à elle, surtout que je pense qu'elle est pas extrêmement en danger. Bon, elle est peut-être dans, on va dire, en queue de comète de son équipe, mais non, ça pour le coup, bien joué Cindy qui. Parce qu'elle s'y est prête à l'avance. C'est pas comme si elle l'avait trouvé. Là, oh putain, il y a un conseil. Faut que je trouve le collier. Ah, je trouve, comme par hasard, je trouve un collier. Là, c'est vraiment. C'est l'aspect dramatique du truc. C'est qui? Et toi, en muet, Clément? Lucas fait la vaisselle. C'est pas moi, c'est Clément. Clément fait la vaisselle. Arrête la honte. Ça peut arriver, hein. C'est un podcast amateur, les gars. Hein. Bah, nous devons. Là, les aléas du direct. Voilà, c'est. Bon, je reviens dans 2 minutes, je reviens. Ensuite, on a l'impression d'être sur l'ORTF, il va y avoir un interlude là avec le général, ça va être assez drôle. Les Français. Pour le collier de Cindy. J'espère vraiment que la prod nous fait une sorte de... Ils nous mettent déjà en garde, parce qu'on a souvent l'impression qu'il y a ce duel Claude-Cindy dans les mentalités et dans la manière dont le collier est cherché. On a Claude qui surveille Cindy et on a Claude qui parle également après que Cindy revienne, qu'elle ne pense pas que Cindy a le collier. Et du coup, j'espère vraiment que ça annonce un peu un collier joué et qui va aboutir à l'élimination de quelqu'un de ce groupe majoritaire. Moi, je pense honnêtement, si Cindy jouait son collier et que il était utile, du coup, je pense qu'elle voterait pour sortir Claude, parce que en vrai, c'est une femme et je la vois pas genre sortir Brice ou Mohamed ou Maxime. Mais je pense que Claude c'est la plus vulnérable pour le collier. On va prendre quelques commentaires également. Yanni, donc qui nous dit que Brice a l'air chiant et un peu insupportable. Ah, je suis très d'accord avec ça. Vraiment, c'est que Brice, pour moi, il sert un peu à rien, quoi. Il a fait une roulette à un enfant de 8 ans quand ils étaient allés au confort avec l'école. Voilà, c'est le seul truc qu'on a vu faire de tout l'épisode, en fait. C'est qu'il est là. Je sais pas s'il aura une grande importance dans la saison. Il sera plus ça risque d'être un nombre, quoi. Juste un nombre dans une alliance et c'est tout. Je le vois pas prendre les choses en main. Ouais, Brice, il me déçoit parce que, ça allait être quelqu'un d'intéressant, mais pas du tout. Il est fade et il sert à rien. On le voit jamais. Alors que, ouais, d'autres candidats sont peut-être un peu plus intéressants, comme Mohamed, par exemple, qui a l'air d'avoir plus de contrôle. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Mohamed, je l'aime bien. Contrôle sur l'équipe. Mohamed, je pense qu'il peut aller au bout. Carrément? Je pense qu'il peut aller en finale, ouais. Ouais? Ah, je sais pas. Moi, j'aurais dit peut-être un peu plus tôt, je dirais, dans les 8 derniers. Déjà, lors des binômes, quoi. Alors, pour ma part, aucune idée. Ce que je sais, c'est que ça se voit qu'il a un certain contrôle sur l'équipe. Il a un peu un aura qui fait que sur l'équipe, il a une certaine autorité, un certain contrôle. Mais par contre, pour la suite, je sais absolument pas parce qu'on sait pas comment les deux autres équipes vont rentrer à la réunification. S'il y aura un swap, on sait même pas ça, donc à voir. Je pense que les jeunes seront visés en premier. Ouais, on peut imaginer genre une alliance rouge-bleu pour dégager les jaunes petit à petit, quoi. Un peu comme dans la saison 35 de Survivor où il y avait les healers qui avaient tout gagné, donc la tribu jaune, et qui s'étaient fait patiemment éliminer un par un après la réunification parce qu'ils étaient vus comme des menaces. Ouais. Je pense qu'on aura un scénario comme ça, ouais. Alors, je pense pas. Je pense pas qu'on aura deux équipes contre une équipe. Déjà, à voir s'il y aura un swap. Ouais, voilà. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, c'est la guerre des chefs, il y a des chefs par tribu. L'équipe, elles vont rester comme elles sont, sauf si vraiment les rouges, ils perdent encore beaucoup et il faudrait vraiment changer parce qu'ils vont se retrouver à 3. Ouais. Ou alors, ce qui peut se passer, c'est genre les chefs restent dans leur équipe et les autres, c'est tirage au sort. À la limite, c'est possible. Ou alors, les chefs peuvent choisir aussi leur partenaire en devant choisir un rouge, un jaune, un bleu. Encore des commentaires à faire sur les bleus ou on peut passer au rouge? Ah, bah voilà. Grosse partie sur les rouges. On va faire quelque chose d'intéressant. On peut passer au rouge. C'est, ouais. Ouais, c'est vraiment la trame principale de l'épisode, l'équipe rouge, qui est donc allée au conseil. Avant de dire qui a été éliminé, qui a fait quoi, des petites impressions, des petits commentaires, des petites présentations de personnages, peut-être des gens que vous aimez alors, bien dans cette équipe, Damien? Ouais, alors je veux bien commencer. Donc moi j'avais dit au dernier épisode qu'Emily au final avait fait un bon move en jouant son collier, en étant plus chef. Je continue à le penser, mais vraiment ce qui l'a plombé au tout début, c'est le fait qu'elle fasse sa tête de cochon sur le camp en disant non, mais moi de toute manière, si jamais vous élisez quelqu'un, je serai de toute façon contre. Et c'était justement le moment pour essayer de se faire un peu discrète et de rentrer dans le rang, et elle a absolument pas... c'est absolument pas ce qu'elle a fait. Elle s'est mise un petit peu en retrait et dans ces interviews qu'on a vues, donc ça, on laisse présager, c'était quelqu'un qui n'était absolument pas dans la stratégie, qui se disait être intègre et qui au final s'est fait complètement avoir. Donc là, pour le coup, gros manque de social de la part d'Emily et Chloé qui devient chef de manière extrêmement logique, quoi. Je pense que aurait dû demander que Maud soit la chef, ça aurait été beaucoup plus bénéfique pour elle. Complètement. D'ailleurs, Maud, belle surprise, hein, mine de rien. Très bon candidat pour l'instant. Ouais, moi, ouais, j'aime beaucoup, franchement. C'est ma préférée. Et je pense que c'est ma personne préférée en fille. Ouais. Moi aussi. Bah, moi, tout le monde, c'est ma personne préférée. Mmh. Et je pense que si je devais dire une personne qui, pour moi, serait dans le carré final, je dirais Maud. Ouais. Je pense que Maud, elle va aller beaucoup, très, très loin. Et je pense qu'elle pourrait gagner aussi. Ouais, moi, non, et c'est unanime, hein, sur le chat, unanime, hein. Clément, Juju, Citronelle, que je salue également, Yanni, enfin voilà, ouais, tout le monde est unanime sur Maud. Alors, Kael 93 nuance un peu en pensant qu'elle est un peu schizo sur les bords, ce qu'elle dit à voix haute à épisode 2 qu'elle défendrait Chloé bec et ongles, pour lui dire après qu'elle voterait contre elle à l'épisode 3 et que du coup, il lui reproche peut-être ce manque de cohérence. Pour ma part, je voulais souligner un truc concernant Maud. Ce que je trouve assez positif, c'est qu'elle a un peu le montage qu'a eu Marc. C'est qu'on repère pas seulement quel est ce membre de cette alliance à quatre. On insiste aussi beaucoup sur ses qualités humaines, ses qualités de survie. Du coup, ouais, ça légitimise un peu sa victoire à Colanta, hein, potentiellement. Ouais, mais moi, je pense que vu l'idée qu'elle a, elle peut gagner, ouais. En tout cas, moi, j'ai complètement. Elle est complète, survie, épreuve, stratégie. Elle est complète. Elle ose ouvrir sa gueule, quoi. Du coup, je voulais dire plusieurs choses à propos de Maud. Alors déjà, ça fait plaisir de voir une candidate qui a la cinquantaine et qui est pas dans le bottom. Ça, c'est... fois, c'est souvent de la chair à canon, quoi. C'est quand on veut éliminer une candidate supposée faible, on élimine la candidate qui a plus de 50 ans. Et faut se dire que dans les 5 derniers, sur les 10 dernières saisons, il y en a que 2, c'est Véronique de Koh-Lanta 10 et Marguerite de Koh-Lanta Fidji. Et Maud en prend le chemin, donc ça c'est très bien. Et surtout, c'est qu'elle a ce lien social, elle a une aura, elle sait fédérer les gens. Et surtout, c'est qu'elle a cette vision stratégique, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, je trouve, chez les candidats belges qui ne déçoivent jamais. Voilà, ils sont pas dans ce côté les valeurs et enfin la loyauté. Non, eux, pour eux, c'est un jeu. Ils voient ça comme un jeu souvent. Les candidats belges, je trouve, qu'ils apportent beaucoup à Koh-Lanta, et Maud en est encore une fois l'exemple. On sera unanime là-dessus. Du côté des garçons rouges, Cyril, Alexandre, avez-vous peut-être des... Ben, Cyril, moi, je l'aime beaucoup. Alexandre un peu plus en retrait, mais pas mal aussi. Xavier, vous en pensez quoi? Et honnêtement, je pense que ça pourrait être un des deux qui pourrait être chef. Ouais. Pour moi, ça sera soit Maud, soit Alexandre. Bah, ça oui, tiens. Ça sera pas Xavier, quoi. Ouais, ce sera pas Xavier, c'est sûr. Oui. Ouais. Bah... Avec Xavier, on a eu un peu les deux façons de réagir à un conseil où on est en minorité. On a eu Emily d'un côté, on a eu Xavier de l'autre. Voilà. Et Xavier reste dans le jeu. Emily est éliminée, c'est tout à fait logique. Ouais, ouais, totalement. Xavier a bien réagi, franchement. Ça, c'est... Mmh. Mais ça, c'est l'autre Picard aussi. Mais je pense que là, ils vont choisir un chef, hein, clairement. Il n'y a plus Emily pour faire chier. Xavier va pas leur dire ah non, Et surtout qu'ils, sinon, les autres chats, ils vont rebattre Chloé, quoi. En tout cas, Chloé qui a pas si mal joué, mine de rien. Ouais. Bah, elle s'est tout de suite débarrassée du truc. Hein. Non, non, j'en veux pas, en fait. Hein. Bah, elle a bien fait, en même temps, c'était la seule chose à faire. Et ce qui est bien, justement, c'est que ça peut aussi rajouter un truc stratégique. C'est que tu te dis, si t'as une équipe, admettons, qui va au conseil, qui perd son chef, si tu mets à chaque fois la personne qui est le plus en danger en tant que chef et qui joue son collier, pour les autres équipes, c'est intéressant comme ça, comme manière de pouvoir mettre un peu le bazar dans une équipe. Et ça, pour le coup, c'est très, très bien joué de la part des chefs. C'est pas de la grande stratégie, mais ça marche. Il y a quelques petits pronostics. Nous avons Juju qui pense que Alexandre sera le prochain chef. Il persiste et il signe là-dessus. Enzo aimerait qu'Alexandre soit chef, mais Maud risque de pas être d'accord. Et il pense qu'ils choisiront Xavier. Si, Maud, elle sera d'accord, je pense. Ouais, elle sera d'accord. Je pense que ça sera Maud. Je pense qu'elle sera d'accord aussi. Maud, je la vois pas se dire ouais, je serai chef. Je pense qu'elle est assez intelligente pour dire. Oui, mais si les autres lui demandent d'être chef, je pense qu'elle acceptera. Si ouais. Elle serait chef, c'est parce que ça va venir des autres, pas de elle. Mais si elle est pas chef, elle sera en gros chef de substitution. Après, ce sera elle qui commandera, mais elle aura pas le titre. L'épisode 3 nous guide vers le fait que Maud sera capitaine. Et nous guide aussi vers le fait que, pour moi, Xavier sera d'accord. Parce qu'on le voit un peu respecter Maud quand elle fait les nœuds. Ouais. On voit qu'il apprend et du coup, je pense qu'il sera d'accord pour que Maud soit capitaine et je pense qu'il ira dans cette direction à dire que pour le bien de l'équipe, il faut que Maud soit capitaine parce qu'elle s'est fédérée et je pense que pour le bien des Rouges, il faut que Maud soit capitaine. Eh ben, on va passer donc à l'élimination d'Emily. Alors, élimination un peu prévisible tellement le montage autour d'Emily était catastrophique, tellement elle a joué de manière catastrophique pendant tout l'épisode. Est-ce que vous allez la regretter? Ah, c'est hypocrite comme candidate aussi, hein, faut le dire. Oui, c'est sûr. Ah, totalement. Ouais, aucun regret. Je veux dire, sur Twitter, je l'avais appelée Semily parce que elle a distillé du sel pendant tout l'épisode. Elle râlait, t'es pas contente, et gna gna, c'est pas mes valeurs et tout. Eh ben, bon débarras, comme dirait Felouze. C'est oui, c'est que c'est très facile de venir reprocher ça aux autres quand on le fait soi-même et de vouloir toujours héroïser un peu sa sortie ou son jeu, même quand on a été mauvais. C'est vrai que c'est insupportable. Bah ouais, ils ont tellement bien joué en sortant déjà victoire, puis après. Dans la logique des choses, c'était ce qu'il fallait faire. Et de toute façon, elle n'était pas si sportive que ça non plus, Emilia. Ouais. Et surtout, il y a un petit truc aussi que j'ai remarqué, c'est que quand elle voulait faire style, qu'elle avait trouvé un collier. Mais ça ne marche jamais, cette stratégie, où quand tu te ramènes sur le camp avec un grand sourire, il y a un tel collier, je sais pas, j'ai peut-être trouvé le collier. Non, tais-toi, putain. Si t'es un peu malin, tu sais, c'est bidon, quoi. Si tu trouves un collier, tu vas pas te ramener en disant, ah, peut-être que je l'ai, peut-être pas. Non, non, non, ça marche pas. Ça marche, ça ne marche jamais. Arrêtez. Oh merde. Oh, cet accent. Bah, du coup, on a la différence entre la manière de cacher le collier de Cindy et la manière de cacher le fait qu'on n'a pas le collier d'Emily. Et ça me fait penser à Marguerite de Koh Lanta Fidji qui avait essayé de faire exactement la même chose, sauf que Marguerite ne savait absolument pas mentir. Du coup, c'était complètement grillé, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Si vraiment tu veux instiller le doute et tout, faut faire ça de manière beaucoup plus subtile. Parce que là, le doute, au final, tu le fais même pas. Pour moi, s'imaginer comment on jouerait si on avait le collier. Mais tu te ferais discret, en fait. Ouais. Mais si tu te fais discret, les gens, ils voient pas que t'es discret. Pour moi, la meilleure manière de faire penser à un collier, c'est essayer de savoir si des votes sont dirigés vers nous. Et un peu moins s'intéresser au fait que si des votes ne sont pas dirigés, en fait, plus s'intéresser si des votes sont contre nous, mais pas si le vote est sur un tel ou un tel. Et à ce moment-là, on voit que, en fait, la personne, elle s'en fiche pas mal de qui va voter qui, mais plutôt est-ce que je suis en danger ou pas. Merci à vous donc pour cette analyse de l'épisode. On va prendre quand même quelques pronostics sur le prochain éliminé. Et à travers ça, on va rappeler donc l'existence de l'animation qui est proposée pour cette saison de Koh-Lanta. C'est donc le crescendo. Chaque semaine, si vous le souhaitez, vous devez parier, vous devez citer trois noms de personnes que vous voyez partir, sachant que vous devez les classer, donc du premier au troisième, et qui vous rapportent un certain nombre de points si jamais, effectivement, l'un de ces candidats sort. Qui veut s'essayer? Qui veut se lancer? Qui veut parier pour le quatrième épisode? Il me faut trois noms. Écrivez-le sur le Je vais chat. commencer, moi, du coup. Vas-y, vas-y. Alors, chez les jaunes, je vois bien Nicolas ou Victor. Donc, je mets Nicolas, Victor, si jamais on va pour les jaunes. Pour les rouges, je les vois pas retourner au conseil 3 fois de suite. Donc, je vais dire au niveau des bleus. Et au niveau des bleus, allez, je vais tenter Brice. Voilà. Donc, Nicolas, Xavier, pas Xavier, pardon, Nicolas, Victor et Brice. 3 mecs. Moi, je vais y mettre Victor en premier parce que c'est les jeunes, je pense qu'ils vont bien tourner le conseil et il va faire chier tout le monde. En deuxième, je mettrai Claude parce que si il vit Cindy qui a utilisé son collier, Cindy va virer Claude. Les deux femmes ne s'aiment pas, je pense, sur le camp bleu. Et en troisième, je vais mettre Béatrice, tiens. Et ben, Non, je te laisse écrire. Crespispo voulait la parole, je crois, on te la donne. Alors, pour ma part, je pense que du côté des Bleus, on n'aura ni Frédéric ni Cindy. Ils sont trop bien montés. Leur montage est plutôt positif sur ce dernier épisode. Du coup, du côté bleu, je dirais Claude. Du côté jaune, ça serait tentant de dire Victor, mais en même temps, comme ils ont Victor, je pense pas qu'ils vont perdre l'immunité. Du coup, je vais donner deux noms rouges et je vais donner Xavier et Chloé. Je pense que si les rouges perdent à nouveau, ils seraient tentés d'éliminer Chloé. Allez, je vais participer. Alors, en premier, je vais dire Victor, parce que ça se voit dans les jaunes, il est vraiment pas bien accueilli. Il se fait recadrer dès le début et je pense pas qu'il va changer de comportement. Je pense que la seule chose qui pourrait le sauver, c'est que les jaunes gagnent l'immunité. Mais honnêtement, je pense que les jaunes vont perdre cette fois-ci. Après réflexion, ouais, je pense que je me suis rappelé donc de la séquence d'ouverture pour le prochain épisode. On voit des tensions côté jaune. Je pense pas que les producteurs mettraient encore une fois une séquence où les jaunes se gueulent dessus pour de la bouffe ou pour quelque chose du genre. Donc peut-être que oui, peut-être que les jaunes au conseil. Du coup, j'hésite à mettre Claude ou Sophie. Alors, en deuxième, bon, je vais mettre Claude parce que moi, je pense que c'est Cindy va utiliser son collier parce que je pense qu'elle sera visée et non Frédéric. Et je pense que Cindy va jouer son collier et avec Frédéric, ils vont sortir Claude. Et ensuite, en trois, eh ben, j'hésite. Béatrice. Parce que ils ont pas mis plein de séquences ah ouais ou Béatrice en vrai c'est peut-être pas une bonne chef et tout peut-être qu'il faudrait la renverser et tout et puis en plus avec la venue de Victor c'est possible qu'elle sorte. Je pense qu'elle jouera son collier mais qu'elle ne sera pas éliminée pour ma part. Bah écoutez, alors moi je vais également faire mon. Je vais également Donc moi je juge pas. participer. Je vais pas partir sur la même direction que vous, moi je vais partir en 1 sur Frédéric. Voilà. Je vais tenter Frédéric en 1, je vais tenter Béatrice en 2 et Victor en 3. Je mets quand même Frédéric parce que je pense que le couperet va à nouveau tomber sur sa pauvre tête, malheureusement. Avez-vous encore des petites choses à rajouter? Bah c'est ça ce qu'on disait au début en fait, c'est que c'est un épisode qui était vraiment en deçà du début de la saison. Et c'est vrai que là on voit, hein, il n'y avait pas grand-chose à raconter à part les deux, trois événements vraiment. À part peut-être si les épreuves, peut-être une réflexion sur les épreuves, c'est qu'ils s'inspirent vraiment de plus en plus de Survivor où c'est plus vraiment que du physique, mais une partie physique, une partie puzzle, une partie vraiment réflexion. Et je trouve que vraiment, ça fait des épreuves qui sont beaucoup plus intéressantes et Ouais, beaucoup ça c'est plus bien. équilibrées. Ça c'est Et je bien. trouve que aussi que le fait que là on peut le remarquer aussi, c'est que l'équipe qui était en majorité de femmes a gagné les 3 immunités. Donc ça c'est cool aussi. Bah maintenant elle est plus en majorité de femmes vu que Karine elle est partie, hein, mais. C'est comme ça après, malheureusement, oui. On a eu deux éliminés hommes, une éliminée femme, et au final, on a quand même trois filles qui sont en dehors du jeu. C'est Donc vrai, là, on dommage. a 11 garçons et 7 filles, je Cette crois. fille. Ouais, il y avait plus de garçons que de filles déjà de base. En espérant que le C'est prochain pas épisode, ça soit un homme, correct. quoi. Plus 6 filles, hein. Surtout que c'est peut-être les jeux stratégiques les plus intéressants pour l'instant. Maud, par exemple. Même Maud, elle Chloé, sera hein, pas. je trouve. Angélique, qui on voit du potentiel. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'aimerais vous Attends, attends, je vais. remercier. Alors, attends, Romain, parce que il y a deux petites choses, parce que je sais que avec le compte Twitter autour du feu, je fais une petite veille comme ça des articles qui partent sur Koh-Lanta. Du coup, je vous conseille l'interview de Xavier à un canard local de l'Oise qui est assez intéressante, où il parle un petit peu de sa stratégie à lui, de la manière dont il percevait un peu l'aventure. Et aussi tout ce que disait Émilie aussi, et interview de Yann Legac, qui est la personne qui est derrière le Perfora et qui conçoit les épreuves de Koh-Lanta, qui est assez intéressante, même si il cache beaucoup le fait que beaucoup de ces épreuves sont adaptées, voire carrément reproduites de Survivor. Donc, allez voir le compte Twitter. On essaie de faire une preuve veille comme ça d'articles intéressants. Okay. Notamment l'épreuve des poteaux. Ouais, voilà. La mythique épreuve des poteaux qui était apparue sur la saison 2 de Survivor. Où c'était pas des poteaux, c'était des troncs d'arbres. Ouais, c'est des troncs d'arbres en plus. Même mais concert. Il a repris ça. C'était très intéressant l'interview que vous aviez. Ouais. Également, la deuxième interview d'Emilie que t'as partagée également, Damien, sur le compte Autour du Feu, où elle est un peu plus posée, un peu plus réfléchie, où elle dit que Koh-Lanta correspond à 80% de stratégie. 80%, mine de rien, elle le dit. Bah, c'est bien qu'elle s'en soit rendue compte. C'est une vérité qui est tout à fait exacte. J'espère voilà. Et c'est vrai que du coup, on se dit, Koh-Lanta, ça a presque 20 ans, donc que les candidats, ils devraient quand même le savoir. Mais après, on se dit que c'est comme l'émission a été vendue pendant très longtemps comme un jeu d'aventure avec des épreuves sportives et tout. Je comprends tout à fait que certains candidats, même encore aujourd'hui, restent un petit peu là-dessus et parlent de stratégie comme quelque chose d'un petit peu de sale auquel on ne voudrait pas forcément toucher, alors que c'est vraiment le social, la stratégie, les alliances, et le cœur du jeu. Et c'est justement peut-être grâce à ces dernières saisons que les candidats vont petit à petit se réveiller là-dessus et qu'on aura des candidats qui sont ok sportifs, ok qui mettront en avant les performances en équipe et sur le camp, mais qui intégreront aussi la stratégie dans leur jeu, et ça ne peut donner que des bonnes saisons à l'avenir, je pense. Je suis optimiste. Surtout que être stratège, c'est pas forcément trahir à gauche à droite. Ouais. Oui, bien sûr. D'ailleurs, trahir à gauche à droite, c'est exactement ne pas être stratège. Voilà. Ouais. C'est clairement ça. C'est être ce que Felouz appelle un kikou stratège. Ça, exactement. C'est sur ces tendres mots qu'on va clôturer le podcast. Alors, j'aimerais vous remercier tous, donc Clément, Cruyff, Damien, Lucas, pour avoir accepté encore une fois d'intervenir. Je vais remercier le chat également d'avoir été bien actif, pertinent et de se prendre au jeu du podcast. Autour du feu, je le rappelle, c'est toutes les semaines, on parle de Koh-Lanta exclusivement. On vous dit à une prochaine fois, c'était Plancaster. Salut! Salut à tous! Salut!